Ok, donc voilà, le mari c'est fini. Est-ce que ça vous embête si je fais une... J'ai besoin de faire une petite pause. Est-ce que vous pouvez mettre cette pause à profit pour commencer à mettre au point un plan? Écoute, je vais en faire une aussi. Et puis dès que je reviens, on peut continuer, oui, si ça te va, Laurie. Ouais. Bah Laurie, tu racontes des blagues aux auditeurs Aïe, parce que tu peux pendant pas qu'on mettre fait pause. une pause. Non, non, je vais être rapide. Ah bah je vais raconter alors pourquoi j'ai voulu jouer à ça. Ah ok, Ok. super. Je te remercie Laurie. Que tu découvriras en écoutant l'audio. Ouais, super, génial. Je trouve le PDF. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, Thomas m'a proposé de faire une partie d'Influenza avec différentes versions. Il a déjà fait du Milvo, Influenza, Arbre, et il voulait tenter une version qui s'appelle Emprunt et Orla. C'est clairement du crash test, je pense que vous vous en rendez compte. On sait pas trop où on va, mais on y va. Et ce qui m'a amusé, c'est que dès le début, il nous dit un petit peu ce qu'on va jouer, donc ça commence par les personnages sont des grognards, ils ont déjà déroulé du câble, ils ne sont pas dupes des dangers de la forêt, des hommes, des bêtes, des choses, ils ont une petite idée de ce que sont les quatre dangers principaux, l'oubli, l'emprise, l'égrégore et les Orlas. Ils sont là pour faire leur trou et pour se faire un jour une place au soleil. En attendant, ils survivent et vendent leurs armes aux plus offrants ou aux plus séduisants. Même s'ils ne sont jamais dupes. Ah bah voilà, comme ça répond à ma question. Toutes les missions qu'on leur confie sont des fruits pourris, mais ils pensent avoir l'art de croquer la pomme en recrachant le noyau. Ils prétendent bosser pour tout le monde, mais ne sont jamais loyaux qu'à eux-mêmes. Ils bossent ensemble, car ils savent qu'en solo, ils ne survivront pas, et qu'avec les autres grognards, ils sont seuls contre tous. Synonyme mercenaire, dur à cuire, survivant, chien de guerre, dernier recours, sacrifiable. J'aime beaucoup le sacrifiable. Et tout de suite, on attaque avec abréviation utile et on a une liste de carac. Bon, c'est clair, ça m'a fait penser à du DD. J'ai eu assez rapidement l'idée du personnage, le Ranger, que j'aimais beaucoup jouer à DD ou aux différentes versions, type Rollmaster. Et je me suis dit, ayant déjà tenté Influenza, est-ce que dans cette version-là aussi, je vais pouvoir me faire plaisir et enfin faire du jeu de rôle? Eh ben, on va voir. Est-ce que je serai limité par le système ou est-ce que je pouvais pouvoir m'éclater avec ça? Sachant que j'avais déjà testé Influenza et que j'avais adoré m'éclater avec ça. Même avec la version D12 qui a parfois retiré sur certains de ses playtests. Donc réponse à la fin de la partie. Tout le monde est revenu? Ouais, je suis revenu, ouais. Tout à fait. Ok, donc du coup, le tour du mari était fini. C'est à qui le tour? C'est à Yom, donc c'est à moi. Écoute, je vais donc activer mon rituel. Je vais préparer le fameux bon, enfin Ouais, le fameux ragoût de cochon, tu voilà. voulais pas qu'on fasse un plan, c'est ça? Ben, on peut le faire pendant que je cuisine éventuellement, si ça D'accord, cuisine. vas-y. Ouais, ça roule. Voilà. Donc du coup, tu peux, enfin, si tu veux, tu peux préparer dans la cara. Non, on n'a pas trop le droit là. Ouais, j'ai pas le droit. Ouais. Bah, écoute, tu peux préparer à même la rue. Enfin, il y a plein de gens qui s'en privent pas d'ailleurs, parce que t'as beaucoup de cuisine de rue, quoi. Donc, t'as des. Ok. Tu veux pas faire ton truc, oui, bien voyant, histoire de mettre le fumet au nez des gardes et. C'est un peu l'idée. Est-ce que c'est perceptible que je fais de la gastromancie quand je suis en train d'en faire? Clairement, il faut des gens aguerris, quoi. Enfin, non, en fait, voilà, c'est clairement, il faut être soi-même un peu sorcier ou et bien connaître une personne qui aura un gros score en égrégore, elle va capter, quoi. D'accord. Comment est-ce que je peux connaître le score d'Egrégor des gardes qui sont devant la redoute? Bah, un point de clat. Effectivement, c'est une caractéristique utile. Je vais bah, le dépenser. Tac, Alors, bah si tu écoute, veux, comme j'ai pas envie de dépenser un point par garde, Ouais. Ah non, non, non, non, non, Non, du tout. d'accord. En fait, tu dépenserais un point par garde si tu veux avoir leur carac entière. Là, en fait, D'accord. tout ce que je vais te dire, du coup, tout simplement, c'est que là où tu fais les gardes, ton point de clade permet de savoir que les gardes, ils sont pas assez forts Voilà. pour capter, quoi. C'est ce que j'allais demander. Voilà. Parfait. Donc voilà, je fais ça devant leur nez pour effectivement bien les allécher. Et Un bon alors, ragoût de cochon et tout. ben exactement. Attends. Ah, de cochon. En sortant du, voilà, en sortant mon matériel, en y allant à grand renfort d'exclamations, de bruits de lèvres, et Alors, en faisant le spectacle, quoi. en fait, pour leur donner l'eau à la bouche, c'est un point de cla aussi, parce qu'en fait, c'est de la séduction en quelque sorte, donc D'accord. c'est un point de cla. Donc en fait, là, on considère que du coup, il y a pour ainsi dire même pas besoin des talents comment c'est, de Natacha pour leur faire avaler le bouillon. Là, ils sont déjà conquis, quoi. Ça marche. On va pas aller jusqu'à les faire payer quand même, mais. Et après, si j'ai bien compris dans les Question, ils vont se règles. transformer dans combien de temps? Alors, voilà. Alors, l'effet du rituel, c'est comment? Je considère que la gastromancie, c'est toujours dans les temps de repos. Les rituels de gastromancie marchent pas. Enfin, vu qu'on les, ouais, je les vois pas marcher en temps de placement ou en temps de combat. Non, mais est-ce Donc, qu'ils vont se transformer là en buvant ou dans la nuit? ça va être pendant leur round, en fait. Enfin, pendant le round où ils en consomment. Donc en fait, il Donc faut tu vois, considérer que je... ça va être pendant le round de Natacha, quoi. À la fin du round de Natacha, ils sont transformés en cochons, quoi. Et la durée, ben, ce sera toute la durée enfin, si on agit en temps de repos, ça va être toute la durée du temps de repos, quoi. Donc mon tour. Donc pendant, je Bah enfin, non, ton temps de repos, ça peut être plusieurs tours. Hein. ah oui, ils sont Comment transformés là et pendant. Ok. De toute façon, je vais attaquer la tour tout de suite, Non, non, moi. c'est pire que ça, remarque. Attends, et c'est vrai que. Attends, faut que je regarde. Je crois que je regarde la durée du rituel. Est-ce que c'est précisé, justement? Rituel. Alors, faction, religion, classe de Donc personnage. à Youm, en attendant, pendant que tu attires les foules avec ta cuisine, moi je compte monter dans la tour, quoi. Si tu peux être discret, ben, ils ne seront pas en mesure de te poursuivre et de Voilà. t'empêcher d'agir. L'idée, c'est que je vais essayer de rentrer en profitant de ta diversion. Et l'idée, c'est que si ça se passe mal, ils seront moins bien pour nous tracer, quoi. C'est l'idée, je les vois mal utiliser leurs fusils dans l'état dans lequel ils seront. Le danger, c'est que j'ai pas assez à manger pour tout le monde. Oui, voilà, bah après parce que bon, ils vont quand même se transformer en cochons, qu'ils nous voient ou qu'ils nous voient pas. Donc il faudra quand même qu'on se barre assez rapidement après. Ah bah c'est un peu l'idée, hein, de toute façon. On est bien d'accord. Bah, il va falloir le dire à la vieille, ou en tout cas à son mari, de préparer la caravane et qu'on se barre. Illico. Alors pour votre info, alors Marc, je peux vous dire combien il y a de gardes, parce qu'en fait ils vont et viennent. Si tu veux savoir combien il y a de gardes, il y aurait de gardes à nourrir tant que t'es là à préparer la bouffe, Yom. Ouais. Ça coûte un point de clat. Je sais. D'où mon ton un petit peu. Parce que tu sais, au début tu dis oh c'est bon, il y en a que 5. Ouais. Puis en fait tu te rends compte que les mecs ils vont et viennent, c'est un qui rentre dans la redoute, qui ressortent, tout ça quoi. Et ce que tu captes, c'est qu'il y en a 32. neuf plus 3 qui ne bougent pas des cloches en fait, qui restent au niveau des cloches. Dont le colonel bout de feu en fait, tu comprends que enfin les mecs en discutant, de toute façon du coup ils discutent un peu avec toi parce que enfin ils viennent discuter avec toi pour pouvoir sentir un petit peu l'odeur quoi. Cette bonne odeur de tripes de porc quoi, qui les met bien en haleine. Et du coup, t'apprends que le colonel bout de feu, il est retranché au niveau des cloches, avec il a en fait comment deux nanas qu'il appelle ses Amazones quoi, qui sont ses gardes du corps personnels quoi. Tu pourrais peut-être même les faire payer pour qu'ils boivent ton truc, pour qu'ils mangent ton truc. J'y pensais. Cela dit, je peux, à mon avis, j'en ai assez pour les neuf, mais ceux du clocher, on les aura pas. Hein. Non, non. Après, vous les ferez à la régulière, quoi. Ok. Si j'ai bien compris les règles, je suis censé payer mes 3 points de rituel Alors attends, avec. dis-moi, c'est quoi, t'as combien de rituels, puis combien de composantes matérielles? Alors, j'avais mis 3 cases pour cet effet-là. Pour avoir Ouais. trois cibles avec la batterie, ça fait 9 cibles. Et mais sauf que ces 3K, c'est réparti comment avec les composantes? Ben, c'est ça que j'ai oublié de faire, donc c'est pour ça que j'ai. Voilà. Au début. Donc c'est pour ça que je suis allé chercher mon cochon. Voilà. Ah non mais attends, du coup t'avais quoi le rituel, tu avais au moins mis une case dans la... J'avais mis les 3 cases en rituel, Ah ok. j'avais pas réalisé en fait. Du coup, efface 2 cases en rituel et récupère-toi donc deux points de caractère de classe, n'importe lesquels. Ouais, ça marche. Ou alors tu les gardes et puis ça fait un rituel un peu plus puissant. Là, quand il a récupéré les composantes, ça va dans matériel, ça. Ah non, tu sais quoi, Julien, les efface pas. Les efface Non? pas, garde-les, du coup ça te fera faire 3 fois, quoi. Voilà, c'est ce que je me disais. Ouais. Excuse-moi, Laurie, tu peux me redire ta question? Le matériel qu'il a, le, les composantes qu'il a récupérées, Ouais. ça va dans matériel? Oui, on n'a pas dit en quel type de matériel. Et ça lui Du coup, coûte c'est quelque du chose, ça, léger, aussi, quoi. contre? C'est du matos léger. Et ça lui Matos coûte léger. la... Ouais, en théorie. En théorie, les ramasser, ça m'a coûté de l'adex, c'est ça? Non, de la clairvoyance. Ah, encore? C'est du léger, ouais. Ok. Un point par boîte? Aïe, C'est chaud, quoi. Ben, Ah bah oui, c'est je sûr. passe à 5-5 en clairvoyant. Je comprends rien à ce qui m'arrive, mais c'est pas grave, le plan m'a l'air bon. Attends, tout de suite. Ah ben, maintenant, je viens de passer en dessous de 6. Oui, ben, oui. Hein. C'est-à-dire que j'ai dépensé depuis le début un bon nombre de points de clairvoyance. Et puis, je me suis un peu pris une attaque. T'inquiète, on va farmer après. Ah non, c'était en mort, hein. C'était pas en clairvoyance. Oui, mais c'est pas grave, hein. Ça me pose aucun problème. Non, de On toute façon, encore une fois, teste. on en redébattra en débriefing. Ok. Ouais, donc du coup, tu vas claquer des points de constite. Tu gagnes un point de constite pour le rituel en lui-même. Voilà. Et tu vas dépenser tes deux. Comment. Deux boîtes. Ouais, alors. Est-ce que je... Attends. Tac, tac. Oui, ça marche. Et là, je suis en kikiné, hein. Et j'utiliserai 2 points de dex alors pour les utiliser, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, donc. Pourquoi 2 points de dex? Un point par boîte? Ouais. Donc du coup, Matériel faut que léger. ouais. Ok, Mais bon, ok, parce qu'en fait, tu t'actives à faire la cuisine, hein. Bah oui, c'est ça, non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Oh Ça va, je suis encore à 4-2 en dex. putain, ouais, la vache. Bah, tu sais, ça, plus t'es bas, plus tu descends vite. Hein. Ah oui, tout à fait. Non, mais j'avais pas pris en compte les composants de matériel des rituels. Quand j'ai imaginé Ouais, ouais. la répartition des caracs. Mais c'est pas grave, ça me va. Ok. Donc voilà pour mon tour. Voilà pour ton tour, c'est déjà beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et c'est au tour de notre vieille, puis de notre vieux, puis de Saint-Jean. Alors, la vieille. Alors, honnêtement, la vieille, non seulement elle fait rien, mais en plus, elle farme même pas, je la considère comme une alliée, quoi. Alors, je pense que, à terme, là, je vous le dis à haute voix, mais je pense qu'à terme, je le dirai pas à haute voix, en fait. D'accord. Tu diras pas ce qu'ils font en fait. Ouais. Je dis juste, elle fait rien, et puis voilà, quoi. Tu sais pas si elle farme ou pas, quoi. Puisque fatalement, le fait de farmer, ça les grille un petit peu, quoi. Ok, ensuite, c'est à qui? Ensuite, c'est au vieux pisteur. Le vieux pisteur, il vient voir Saint-Jean. Ouais. Et il te demande donc, du coup, si tu pourras. Parce qu'il dit oui, je commence à avoir d'autres propositions de boulot, quoi. Donc, du coup, j'aimerais savoir si je pourrais être payé, quoi. Tu seras payé, mais pas avec la fille. Ok, et je peux voir un peu la couleur. Enfin, je veux dire, tu me promets que tu vas me payer, mais bon, moi je suis engagé avec quelqu'un qui va partir dès ce soir, quoi. Donc, il paye moins que ce que je te demande, mais en l'occurrence, lui, moi j'ai vu la couleur de l'argent, donc je sais qu'il peut me payer, quoi. Toi, pour le moment, j'ai que des promesses. Si je laisse filer et que toi, tu peux pas me payer, je suis dans la merde. Du coup, je voudrais une garantie. J'ai pas de garantie. Ben, Si. ça veut dire que t'as pas l'argent sur toi pour le moment, quoi. Non, je me balade pas avec 100 caps ici, j'ai pas envie de me les faire piquer. Écoute, c'est tout à ton honneur d'être prudent. Mais Top, moi aussi, je dois l'être. Et je vais. je suis désolé si tu me donnes pas des garanties. Bah moi, je me casse ce soir avec l'autre client et tu pourras faire adieu. Enfin, tu pourras faire une croix sur ma collaboration. Donc, sois créatif, mais donne-moi une garantie d'une façon ou d'une autre. Enfin, c'est-à-dire, en fait, donne-moi une avance, quoi. Veux une fermière? Bah écoute, Ouais, visiblement le mec il a un peu, enfin il a faim quoi, donc Ok, je vais. bah pourquoi pas. J'emmène voir Natacha. Si j'ai pas l'argent, ce sera elle que t'auras. Natacha, elle te prend un Ah part. non, mais je lui cause pas à Natacha. Ah oui, ok, tu montres, tu te la montres, mais en fait, ouais, vous les faites pas, tu les mets pas en Ah relation. non, non, je ne vais pas en relation. Ok, ben écoute, je vais être chiant, je vais lui créer du moral, et en fait, clairement, il faut que tu l'amènes en vulnérabilité pour qu'il croie, qu'il ait la moindre chance de se la taper, quoi. C'est clair. C'est moi qui l'attaque, donc sur son tour. Non, en fait, il finit son tour, mais je te. Attends, toi, ouais. Quand ce sera ton prochain tour, il faut que tu réussisses à flinguer son Convaincre. Ok. Pour qu'il croie à cette histoire-là, quoi. Parce que tu vois, elle est tellement canon qu'il se dit. Ouais, c'est trop beau, enfin, c'est trop beau pour être vrai. Tu vois qu'il plisse les yeux, puis il dit non. Bah, c'est pour ça que je t'assure que je vais trouver les caps, parce qu'elle a pas envie avec toi. Alors ça, par exemple, c'est du roleplay, entre guillemets, ça permettra juste de lancer les dés, quoi. Ça Ouais, suffit ça pas pour le marche. convaincre. Non, non, mais j'ai bien Ah compris ouais, que ce sera mon tout à tour, fait. de toute façon. Ouais. Ok. Bah du coup, il finit son tour comme ça. Eh bien, c'est à ton tour, d'ailleurs. C'est à moi? Eh bien, voilà. Alors attends, je regarde si J'attaque avec quoi? faut que je vois si c'est dans les. Je pense que c'est dans les attaques autorisées. Alors, c'est quoi une attaque autorisée? C'est l'attaque que n'importe quel perso et peut faire, quoi. Et toutes les autres attaques, en fait, c'est des rituels de classe. Comme la gastromancie, bah tu vois, c'est un type Bon, d'attaque qui n'est pas autorisé. convaincre quelqu'un. Ouais, je pense que c'est autorisé, hein, mais du coup. Ouais, alors attends. C'est une tromperie. En fait, Ok. il y a trois, il y a trois attaques sociales possibles. C'est les persuasions. C'est en fait quand tu veux convaincre quelqu'un de quelque chose qui est vrai. Ok. Les tromperies, c'est tu veux convaincre quelque chose qui est faux. Et les intimidations, bah, c'est quand tu veux le convaincre que s'il se rend pas, enfin, c'est l'intimidation, quoi. Ok. Donc c'est égrégore, attaque en égrégore. Contre la mémoire du mec et la cible, c'est sa clairvoyance. Et si la cible, Alors. c'est les points qu'il faut que je lui fasse. Hein. Ouais, Si alors je veux attends. convaincre quelque chose qui est vrai, j'attaque avec quoi? 135. Avec clairvoyance. Avec. T'attaques avec le cla, il se Ouais. défend avec le moral et la cible, c'est sa mémoire. Donc je vais. Alors si tu veux que ce soit vrai, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu obtiennes un engagement ferme de Natacha. Non, j'ai expliqué autre chose. Ouais. Donc, comme elle a absolument pas envie, de coucher avec toi pendant tout le voyage. C'est pour ça que je vais avoir les 100 caps ce soir. Je vais les prendre au capitaine et tu auras tes 100 caps pour voyager avec nous dès ce soir. Ok, oui, bah du coup c'est une persuasion classique, tu essaies juste de lui montrer que t'es motivé, quoi. Voilà. Du coup, t'attaques en Kla contre sa défense, c'est le moral. Hop. Alors. Du coup, est-ce que tu attaques avec ton score ou est-ce que tu préfères lancer les dés? Avec mon score. Alors, je te rappelle que si tu veux connaître ses stats, ça te coûte un point de Kla. Eh ben, on va claquer C'est un une... point de clé pour connaître son sa défense. Alors, en fait, point de Kla, ça te permet d'avoir toutes ses stats. Mais en fait, enfin, toutes ses stats. Je m'en fous de toutes ces stats, je veux juste sa défense et. Ouais, je me rends compte que du coup. Ouais, alors en fait, il y a deux. On va faire comme ça. Parce que normalement, claquer un point de Kla, ça te permet de connaître tout le bloc de stats du mec. Comme c'est un humain, il peut avoir des Klas dans tous les sens. Il peut avoir quoi? Il peut avoir 8 caractéristiques, tu vois. Oui. Moi d'un côté, ça m'arrange pas de lui créer ses 8 caractères d'un coup. Et Moi, puis je veux juste tu sa t'en fous. Je défense, pense quoi. qu'on peut faire un truc qui est de soit tu choisis d'avoir que les caractéristiques intéressantes, mais en plus, en bonus, tu as son objectif. Tu connais l'objectif du mec. Ce qui est pas mal quand même. Ou soit effectivement c'est tout le bloc de stats mais pas l'objectif. C'est quoi ce que je vais attaquer, moi? T'as besoin de connaître son moral et sa mémoire. Sa défense, c'est le moral. Ouais, et sa cible c'est la mémoire. Et la cible, c'est ce qu'il faut que je mette à zéro. Ouais. Ok, donc j'ai juste besoin de son moral et de sa mémoire. Ben, on va sur ça. Ok, et donc je vais te donner son objectif en même temps. Alors, son objectif, il bosse pour le plus offrant. Donc, pour le moment, t'es le plus offrant si effectivement tu tiens ta promesse des 100 caps. Mais ça veut aussi dire que si à un moment, sur la route, il y a quelqu'un qui lui donne quelque chose qui vaut plus que ça, il vous lâchera comme des merdes. Ça marche. Ça c'est son objectif. C'est Karak, il a 15 ans, 15 ans morale, 15 ans mémoire. C'est un bourrin. 15. Ah oui. Mais c'est vrai que tu sens, à force de l'observer, tu dis ce mec, il a déroulé du câble, il a des habitudes qui sont pas d'ici, il a des gestes, tu vois, il est tout le temps en train de tout surveiller. C'est un putain de vétéran. Bah 15, ouais. On va lancer les dés. Ok. Alors, encore une fois, je rappelle les règles. Soit tu lances 3d6. Oui. Tu sais pas ce que ça peut, comment, si ça peut schémar ou pas. Ou alors tu tentes le stratagème, mais pour ça, il faut que tu connaisses son défaut, quoi. Son défaut, je le connais. Sachant que t'as droit, enfin, ouais. Son défaut. Tu veux connaître son défaut? Non, je le connais. Ok. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc là, c'est bien. T'as eu son défaut gratos, en quelque sorte. Parce que ce moment, je t'ai lâché un truc. Et ça me permet de lancer deux fois. Ouais. Si je fais. Donc lancer les dés, donc je vais décrire. Tu considères que j'ai déjà décrit ou pas? Non, bah vas-y, dis-moi à quoi tu pensais. Pas beaucoup plus. Bah, non, redis-moi du coup, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Donc l'idée. Ah oui, la description c'était de lui dire que j'allais aller voir le capitaine. Que j'allais aller voler le capitaine et vu les gardes qu'il y a, je vais me faire bien plus que 100 caps. Et j'ai bien compris que j'avais pas affaire à un tocard et qu'il méritait bien plus que 100 caps pour qu'il vienne avec nous. Ok, ça c'est pas mal. Alors il faut que je vérifie une chose parce que je me demande si ça coûte pas des points de quelque chose Vas-y. de faire de lancer les dés en fait. C'est le moral, page 44, toujours la fameuse. 45 cette fois, pardon. Faut claquer des points de morale pour faire un stratagème, toi. Décrire son action pour passer une défense avec 3d6 au lieu de sa carac attaque. Un moral et Moral. relancer, c'est un point de morale. Donc, pour faire ton attaque, de faire Relancer, je ça, le vois pas. Hein. ouais. C'est pas écrit relancer. Si Ah si, décrire un pardon, si, stratagème, pardon, pardon, ouais. pardon. Il y a déjà le simple fait de faire de l'attaque. Si tu l'as fait sans lancer les dés, ça va te coûter un point de quelque chose. Alors, Ouais. faut que je vérifie. Je t'avais dit quoi? C'était quoi la carac Bah, vu que d'attaque? j'attaque avec le clairvoyance, j'imagine Voilà. que c'est un point de Donc ça coûte un clairvoyance. point de clat. Un Ça point de clat pour marche. attaquer. Un point de morale pour lancer les 3D. Oui, et Si si le je résultat relance? est nul, si ça passe pas, eh ben si tu veux relancer, ça te coûtera un nouveau point de morale. Ça marche. Et j'additionne. Non, le point de... En fait, non, t'additionnes Voilà. pas. Ça marche. Allez, Bien c'est tenté. Alors, faut passer 15, ouais, c'est vrai que c'est chaud. Hein. 15. Et eh ben. Oh putain. On Et va ah oui, relancer. attends, excuse-moi, si ça peut t'aider. Je relance. Hein. Avant que tu lances, lance pas tes dés tout de suite. Vas-y. Comment? Tu peux demander l'aide de Yom, en fait. Ah Faire oui, des hein. attaques groupées. Ça marchait comment ça? Tu veux Alors, dire qu'il faut que je me fasse aider par un Guillaume. mec qui a 4 en clairvoyance? Ah putain, oui. Bah, à la limite, ça fait un plus 4, hein. J'ai plus que Ah, ça, j'ai 6. T'as Ça 6. s'additionne, c'est ça? Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça lui coûte quoi, lui, de m'aider? Bah, ça lui coûte un point de Bah évidemment. clat. C'est-à-dire que, en fait, tu te dis, ah, putain, tout seul, je vais pas réussir à. Je veux dire, avec, tu t'amènes Guillaume avec toi, puis vous êtes à deux à essayer de le travailler, quoi, au corps, quoi. Ah oui, d'accord. Ça marche. Je ne tombe pas en vulnérabilité, je peux t'aider. Alors attends, je réfléchis quand même à l'idée. Ça marche comment alors? Il additionne, on additionne nos deux clairvoyances, direct, cash. Non, toi tu les t'aider, enfin si tu choisis de t'aider. Oui, Ouais. enfin c'est à toi de voir quoi. Si tu restes toi tu restes avec le score brut ou tu dépenses un point de morale pour lancer les dés au lieu de ton score brut. Et Ouais. pareil, Yom, une clairvoyance pour t'aider. Soit je rajoute le score brut, soit il claque lui aussi un point de morale, il fait une description et comme ça il rajoute 3 dés. Et on Et additionne il de... lance 3 dés au lieu de son score brut. Et Et on additionne de deux caracs. vous additionnez vos deux résultats, ouais, Ok, tout à bon, bah fait. on va y aller cash, on va discuter. Parce qu'en faisant la somme, en fait, t'es à 6, tu m'as dit. Bon, bah on le torche à deux. Ouais. Du coup, t'as pas besoin de lancer les dés, en fait. Non, non, j'ai pas besoin de lancer les dés. Parce qu'en plus, à 6, on va lui claquer sa mémoire d'un coup aussi, donc pas besoin de lancer les dés. Impeccable. Donc bah là, vous claquez Donc, donc chacun je donc, un point de clat. donc ça c'était fait. Et je l'emmène voir Yom Ouais. pour lui montrer ce qu'il est en train de préparer et quel va être l'effet. Mais Yom va, mais mon compagnon vous expliquera mieux l'effet que ça aura. Bah du coup, il te dit c'est quoi et qu'est-ce qu'elle a de spécial ta bouffe? Disons que ceux qu'en bouffe là, vu ce que j'ai mis dedans, ils vont être un peu neutralisés pendant un moment. Tu vois, en fait, il avait trempé son doigt dans de la cervelle, puis il avait le doigt plein de cervelle, puis s'apprêtait à lécher, puis hop, il s'est essuyé sur son futal. Ok, Lui fais un très grand bien. sourire en dévoilant mes dents pourries. Ok, ça roule. Bah écoutez, c'est nickel, hein, vous l'avez convaincu. Ça marche. Oui, donc à deux, c'est ultra violent quand même. Il faut bosser ensemble. Oui. Ah mais ça marche aussi avec les PNJ. Hein. Oui, ça, j'ai bien compris. Et puis, S'il y a 2-3 PNJ qui vous tombent dessus, peuvent vous ratonner d'une force monstrueuse, quoi. et l'avantage, c'est que quand quelqu'un est plus fort que toi, quand ils sont deux à être deux fois plus forts que toi, ils sont, ils te Ils mettent une... ils t'enfoncent te la sous mettent terre. minable, quoi. Ouais. Mais ça permet à deux petites sortes de passer quelque chose. Tout à fait, ouais. Ok, ça marche. C'est pour Donc ça que c'est pas les figurants isolés qui sont les plus dangereux, c'est les groupes. les stats de 7-6, elles sont quand même utiles parce qu'à deux, tu peux faire quelque chose, quoi. Ouais, voilà, t'es pas tout à fait un nul, quoi. Donc il faut coincer tes ennemis dans des allées sombres Voilà. si tu veux t'en sortir. C'est ça, ouais. C'est les techniques gobelins, hein. Il n'y a que ça qui marche. Ok, bah fin du tour de Saint-Jean, je pense. Ouais. Oui. Oui, je suppose. Bah, je vais Bah faire non, mon action. enfin, tu peux faire plein d'autres trucs, hein, parce que là, t'as fait du social, mais... J'ai fait 2 points de cloud là. Ouais. En J'ai fait, peut-être il y même a... 3. 3... Je sais plus à combien j'étais. Si J'ai t'en as fait 3, tu peux plus. plus faire de clap pendant le reste du tour, mais tu peux faire des autres trucs. Ah oui, je croyais que c'était C'est 3 ça en points. fait, c'est ça. Ce qui limite la durée de ton tour, c'est qu'en fait tu peux pas dépenser plus de 3 points de la même sorte pendant Ah oui, ton mais je tour. croyais qu'une fois que tu avais commencé en cloud, tu étais obligé de rester en cloud en fait. Non, tu peux, en fait tu peux faire de la clap et après aller attaquer Ah oui, quelqu'un. donc tu peux te vider les caracs en un tour, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais bon, il y a des moments où ce sera peut-être intéressant de le faire, quoi. Par contre, je peux plus farmer maintenant que j'ai commencé à faire quelque chose. Ah non, c'est fini, ouais. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais, pendant qu'on y est, je vais agresser. Ouais, je suis chaud patate là. Vas-y. Je vais agresser le mari là. Qu'est-ce que tu vas agresser? Le mari. Ok, ouais, c'est très bien. Tu veux l'agresser de quelle sorte? Je vais lui dire que j'ai bien compris ton petit manège avec Natacha. Si t'as l'intention de nous planter dans le clocher, je t'assure que je m'en sortirai et que je raconterai à la vieille ce que tu fais et ton statut de mari, de chef. Tu pourras te le brosser, quoi. Attends, t'es en train de me menacer là? Ouais. Je suis en train de t'expliquer qu'il va falloir que tu restes jusqu'au bout avec nous sur ce plan-là. Excuse-moi, mais t'es un étranger, tu t'incrustes dans notre communauté, enfin, un mot de moi à la vieille, et on te dégage quoi. Ouais, Je lui expliquerai qu'on peut se passer de tes services. un mot de moi à la vieille et je lui dis que tu tapes Natacha. Écoute, on peut s'entendre. Tu crois pas? Je pense qu'on peut faire un bon coup tous les deux ce soir pour se faire du pognon tous les deux. Ok, ben on reste sur le plan et on fait 50-50, y a pas de problème. Ça marche. Tu me serres la main? Bien sûr. Ok, donc tu vois, quand il te serre la main, il a une bague sur un de ses doigts. Une grosse bague en fait, en forme de boule. D'accord. Tu veux que je me joue à Robin des Bois, je l'embrasse et je le vole sa boule. Ah non, du tout. Je te dis juste ça comme ça. Ok. Je peux dépenser un point d'égrégore pour sentir si c'est magique. Attends, tu veux dépenser un point d'égrégore pourquoi? Sentir si c'est magique, sa boule. Alors, en fait, c'est... Si c'est maudit ou si c'est quelque chose. Non, c'est juste du poison en fait. Mais là, il l'a pas fait, mais clairement en fait, il est capable de tuer quelqu'un rien qu'en lui serrant la main, quoi. D'accord. Ça me coûte quoi ça? Euh, Clairvoyance. ça te coûte un point de clairvoyance et du coup, t'as plus de, t'as plus. Non, autant pour moi, t'as dépensé un point d'Egrégor. Non, ça te coûte juste le point d'Egrégor, quoi. Ok. Ça marche. Alors attends, faut que je claque des points parce que du coup, il a la bague empoisonnée. Pour info, tout le matériel que je décris, c'est du loot potentiel, hein, donc vous pouvez toujours essayer de récupérer un moment X ou Y. Ok. Bah on est dans un donjon, hein, faut imaginer, donc raisonner comme si on était à Donjons et Dragons, quoi. Tous les PNJ se tuent. là, on a fini le round. Et c'est moi qui Bah, si t'as rien décline. de, si t'as rien de mieux à faire, ouais. Bah, des fois, c'est bien d'attendre et d'observer, parce que si tu fais des actions pour faire des actions, tu crames tes points dans tous les sens. Oui, mais il faut que le premier, il a envie de rester. C'est ça le but. Ah oui. Bah, si tu veux en Enfin, être je veux sûr, dire. tu te nommes le premier, hein. C'est compliqué, parce que là, tu vas être coordinateur. En fait, comme tu as fini le tour, tu es coordinateur du tour suivant. Donc c'est toi qui dis... Quand on va attaquer la tour, on va être plusieurs dans la tour, si j'ai bien suivi, on va être trois. 3, bah, tu veux y aller avec Guillaume Ouais, et le mari? et un, ah non, le mari, il est... Enfin, sauf si tu... Ah oui, ok, tu veux que le mari vienne avec toi, parce que, en fait, dans leur tête, il restait en bas, il s'occupait des gardes. D'accord. Bon, peu importe, mais on va tous agir en même temps. C'était ça plus ma question. Bon. Bah oui. Et pourtant, on aura tous nos tours. Eh ben, je vais claquer le mari en premier. Ok. La vieille. Y a le vieux toujours ou pas? Alors, le mari. Non, le vieux. Si, il y a le vieux, effectivement. Oui. Alors le vieux, Alors, l'infirmière la encore? vieille, la met pas, la compte pas, parce qu'elle fait juste rien. Donc, la compte pas, elle jouera pas. L'infirmière, elle joue encore? Non, elle joue pas. Donc il y a quoi? Que le mari? Donc, Le mari, le vieux? il y a le mari. Le vieux, Natacha. Parce que là, tu veux faire l'attaque de la redoute, hein, on est d'accord. Ouais, je vais peut-être farmer un coup. Ok. Ah, on va attendre. Ouais, bah le mari, le vieux, le Natacha. Natacha. Eh ben, je vais mettre Guillaume au premier. Tu veux te reposer toi ou pas? Avant Bah d'attaquer. absolument, oui. Donc je mets Guillaume en premier et moi à la fin. Enfin, si c'est possible, vis-à-vis de ce que j'ai fait au tour d'avant, en fait. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est Donc, possible de te reposer? ouais. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut attendre avant de leur filer à bouffer, sachant que c'est, enfin, Bah pendant que oui, ça mais en fait, finit de cuire. ce tour de repos, ça va commencer du coup au crépuscule. Du coup, vous allez, si vous vous reposez là, bah, ça va reprendre à minuit, quoi. Ça Après, marche. minuit, 1 heure du mat, quoi. C'est Ok. mieux pour attaquer, quoi. Si vous attaquez Ça au marche. crépuscule, il y aura plein de gens encore Ça me levés, quoi. va très très bien. Donc, Guillaume, tu commences. Voilà, je commence. Je décrète qu'on est en temps de repos et je me repose. Tranquillement en surveillant la cuisson. Ok. Oui, c'est juste à mijoter, hein. Alors, attends, il faut que je revoie comment ça se passe le temps de repos. Page 35. Attends. Le temps de repos. Alors, tu peux convertir des points, des scores dans... soit il y a plusieurs façons de se reposer, en fait. Tu peux convertir des scores d'emprise ou des scores d'égrégore en autre score de carac en échange de malédiction. C'est vachement, c'est vachement Ça fait... vendeur. Ça donne envie. Ouais, c'est un petit peu... Je pense que là, vous êtes pas assez désespéré pour en arriver là. Sinon, effectivement, tu peux... Sinon, tu fais un repos normal. Et ça te permet de reposer deux carac. Ok. Tu pensais à quel carac? Je pensais à la clairvoyance et à la Dex. Tu les remontes à fond? Alors, non. T'as combien en clairvoyance? Clairvoyance, je suis à 6-1. 6-1. Tu remonteras à 7-1. D'accord. Tu vois l'idée? Ouais. Et dès que je suis à 4-2, je remonterai à Ah non, 5. attends pour moi. Non? Non, non, je dis n'importe quoi, tu vas pas remonter à 7-1. Donc t'es à 6-1, c'est ça? Oui. Tu remonteras à Oui, 6-6. tu reviens à fond. Enfin, à fond, tu Ouais, voilà, remontes. ouais, c'est ça. En fait, tu remontes tes réserves, quoi. Parce que tout à l'heure, quand on a farmé, qu'on a récupéré 3 points, c'est parce qu'on n'était pas en temps de repos, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Ok. Pour deux carac à la fois. Ah, donc le repos, il est quand même pas mal. Et tu récupères pas de score en Non, repos. Jamais. non, Tu récupères que les points sur la Sauf si tu vas carapace. pécho des malédictions. C'est une autre façon de faire, quoi. Ceci implique un temps de repos différent, d'accord. Aïe. C'est-à-dire que mon repos, il me redonne 2 points de dex. Je remonte à 4, à 4-4, quoi. Ah, toi, ça va être urgent de faire de l'entraînement, en fait. Bah ouais, mais je peux pas faire de l'entraînement là comme ça. Parce qu'à 4-4, c'est 5-0. Bah non, c'est 4-4. Oui, c'est 4-4, mais... Bah si, il y a une méthode, hein, c'est la malédiction. Alors, bah, Parce que c'est la raconte-moi. malédiction, alors c'est X points d'emprise ou X points d'égrégore convertis en X points, non, excuse-moi, c'est pas des points, c'est des scores, convertis en X scores d'une autre carac. Par exemple, si tu te prends une malédiction qui te coûte, je sais pas, 4 en emprise, ça va te rapporter 4 en dextérité. Ouais, mais ça va me faire Plus baisser facile, mon, ça plus va me faire baisser facile, mon plus emprise. rapide. Et ça va me faire baisser mon emprise. Oui. Mais j'ai pas envie. Oui, effectivement, en plus, vu, bah, où est Grégor? Peut-être les Grégor, c'est moins important pour toi. Ben, un petit peu moins, mais c'est mes trois caracs de gastro-ancien, c'est ça, quoi. C'est Constite et Grégor en prise. Ah, putain, ça craint. Bah oui, mais bon, Bah, c'est pas tu grave, l'as c'est ce que je vais récupéré faire, ensuite. C'est hein. quoi que t'as en 4.2 là? La Dex, mais elle va remonter à 4.4. Oh, génial. Ou alors, je fais pas ça. Est-ce que je peux utiliser un objet? Ça t'empêche de te reposer ou pas? Bah, ça dépend, tu veux penser à quoi? Je pensais à boire ma potion de Dex. Voilà. Ouais, ça t'empêche de te reposer, quoi. Oh putain. Bah, Et t'as autre chose à tu remonter penses à un que... alcool fort qui t'empêchera de te reposer tranquillement, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais. Bah, en fait, là, j'ai la clairvoyance qui est basse, et j'ai la dex qui est basse. Soit je remonte à 4-4 en dex, soit je remonte Non, mais tu à... remontes les deux. Ouais, et je remonte les deux, je fais 7-1-4-4, soit je passe de 4-2 à 4-1 pour boire la potion, à 5-1, du coup. Mais ça change rien, 5-1, tu. Ouais, bah je vais reposer et puis c'est tout quoi. Voilà. Hop. Faut que tu remontes. Autant remonter à la clairvoyance en même Ouais, temps. ouais, ouais. Bah, je remonte la clairvoyance à 7, 1, à 6, 6, pardon. À 6, 6 et 4, 4 pour la Dex. Ça va être chaud. C'est pas grave. Pour remonter la Dex, il faut manger. Ouais. Non, il faut rester immobile Oui, pour mais la. en fait, je vous ai dit au début de la Ah, partie, c'était pas satisfaisant. Donc ouais. il faut manger. Bah, je vais prendre les restes Voilà, du cochon. les restes du cochon qui n'ont pas servi. Ah, mais oui, mais ça te coûte une case. En fait, il faut manger une case de bouffe. Et bah, je mange ma dernière boîte d'abats de mer cuit, et puis voilà, hein, tant pis, voilà, c'est tout. C'est infâme. Ce jeu est infâme. Ok. Tu veux dire que si on n'a pas de case bouffe, on n'a rien à bouffer? Bah ouais, c'est ça l'idée. Ah ouais, quand même. Ben ouais. Ça paraît logique. Oui, d'accord. Ben, il faut prévoir Terration, tes ou faire une rations, tes chasse. machins, quoi. Ouais. Et du coup, donc t'as remonté la Dex, et puis pour la clairvoyance, c'est s'en remettre à la vigilance de ses compagnons. Bon, ça. Ouais, ben en gros, je m'effondre dans un coin adossé à un mur en train de bouffer ma boîte et je fais plus attention à ce qui se passe autour. Ouais, voilà. Tu te rends compte que je vais faire la même chose pour remonter ma clairvoyance. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais. Ok. Alors, je pense que comment? Là, sans remettre à la vigilance de ses compagnons, je me rends compte que c'est un peu faible tel que c'est écrit. Donc, Ah non. bah si, puisqu'en fait, ça veut juste dire Julien, il skip son tour et puis basta quoi. Je vais aller plus loin en disant qu'en fait, pendant tout le tour, tu peux pas dépenser de points de cla en fait. Oui, Dans la. De toute façon, Ouais, oui. c'est ça, Je me rends compte que obtenir les boîtes de cochons m'a coûté beaucoup plus cher que ce que le repos me permet de récupérer. Hein. oui, mais tu Mais bon, vas. je vais transformer des gens en cochons, donc ça vaut le coup. Voilà, Bon, en c'est fait, quand même le quand mieux. t'as des caracs faibles, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Si t'avais des caracs fortes, ça aurait été plus rentable. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Ok. Du coup, bah, c'est autour de qui? C'est au mari. Ah oui, c'était pas mon tour en fait. Ah si, c'était moi Si, en premier. c'était ton tour. Ouais. Omari, bah écoute, vous leur avez pas donné le signal d'agir. Donc il va juste farmer. Oui, je n'étais pas censé le dire, mais bon, voilà, il farme. Ok. Alors, quand il farme, il agit contre nous, en quelque sorte. Alors qu'on vient de le convaincre qu'il ne devait pas nous faire chier pour la durée de cette mission. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ouais, on y ferme pas, quoi. C'est Du quoi coup, le il fait temps de juste repos rien. égale expérience? Le tour où le MJ distribue de l'expérience, il ne fait pas agir ses figurants. Il donne un mémoire d'expérience à chaque personnage. C'est toi qui le décides. En fait, il faut que j'ai dépensé tous mes points d'adversité, je peux vous dire que j'en suis loin, quoi. Ah d'accord. Là, j'ai encore une bonne réserve pour Ça demain. marche, bon. Donc le vieux. Le vieux, bah, il fait rien. Natacha. Natacha, eh ben écoute, elle va voir. Ah, puis en plus, ah bah super, j'en profite. T'es à découvert, mon petit yôme. Absolument. Tu peux pas claquer de poing de clat. Ouais. Ça veut dire que t'es influençable. Exactement. Mais elle ne le sait pas normalement. Bah, il suffit qu'elle claque un point de clat, Oui, elle. ouais, bah. je tiens à ce qu'elle le claque. Eh ben, elle le claque. Elle le claque, elle le dépense. Et donc, elle vient te voir. Ouais. C'est la femme la plus belle que t'as, enfin, que tu verras jamais de ta vie, quoi, hein, clairement. Ouais. Surtout la plus torride, quoi. Et en fait, elle fait. Tu vois, elle prend ton visage dans ses mains, ton visage plein de graisse de porc, quoi. Ouais. Et puis elle te fait comme ça. Guillaume, tous les deux, on peut faire de grandes choses. Ouais. Comment? Tu vas me donner ta part du butin chez Colonel Goudefeu. Si t'en as besoin. Ouais. Et du coup, elle t'embrasse sur la bouche. Ben j'en profite, hein. Vu ce que Ah ça bah me coûte, oui, j'en profite, hein. Écoute, voilà, t'auras pas tout perdu dans l'histoire, quoi. Tac. Écoute, je vais aller plus loin, en fait. Je vais. Est-ce que, enfin, vas-y, hein. Ouais. Mais se reposer là, puisqu'il s'est reposé en clairvoyance, Ouais. c'est s'en remettre à la vigilance de ses compagnons pour la clairvoyance. Ah oui, donc toi tu voudrais intervenir pour dire Est-ce que les j'ai conscience de pouvoirs. ça ou pas? Alors, on va faire les choses comme suit. Si j'en ai conscience, je m'oppose pas pour l'instant, mais c'est juste Ah, est-ce puisque que j'ai. t'as. Bah, en fait, si tu pourrais dire je dépense un point éclat pour dire que j'ai observé la scène. Mais si tu fais ça, je considère que tu pourras pas Me reposer, je suis bien d'accord. te reposer, enfin le repos, tu pourras pas te reposer en clairvoyance. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que pour l'instant, je laisse couler. Est-ce qu'il peut s'en rendre Par compte contre. avec les Grégores, par exemple? Avec le changement d'état émotionnel de Oui, Yoam. effectivement, ouais, tu peux t'en rendre compte en égrégore, ouais. Bien C'est-à-dire vu. qu'en fait, t'as pas été présent, t'as juste un pressentiment, donc tu pourras pas du tout, en fait, quand tu vas dire que tu l'as vu et tout, c'est pas du tout crédible parce que t'es pas en situation de le voir. Non, mais c'est si elle est en train de l'assassiner. Voilà, vu que j'ai Ouais, pas pour encore intervenir quoi. déclaré mon tour, je peux intervenir. Ah, mais de toute façon, si elle voulait là, si comment, si elle voulait, mettons, je dis n'importe quoi, supposons qu'elle veut backstabber, c'est son tour, hein, tu peux rien faire quoi. D'accord. À la limite, sur moi, en fait. Bah ouais, c'est ça, ouais, tout bêtement quoi. Ok, ça marche. Mais en fait, si j'avais joué avant, c'est pareil, elle le backstab aussi, quoi. Bah, enfin, en même temps, c'est comme Bah... la donche, quoi. Oui. Non, mais en fait, c'est dans la Oui. description de s'en remettre à la vigilance de ses compagnons. En fait, je veille pas du tout sur lui, quoi. T'as pas de gestion d'interruption, en fait. D'accord, ça marche. Ouais, alors bon, peut-être que c'est un manque, on verra en débriefing. Je le note, on verra en débriefing. Mais là, effectivement, comme c'est comme du donge. C'est-à-dire que bah, pendant son tour, elle fait un peu bien ce qu'elle veut, quoi. Ça marche. En fait, je pense que je voudrais que... Alors en fait l'idée c'est que je veux te faire tomber comment? Elle va t'attaquer en morale. Elle veut te faire tomber en vulnérabilité en morale. Oui. Dans le sens où comme ça, si jamais quelqu'un s'en va, en fait tu seras obligé de la protéger. Mais oui, elle peut m'attaquer autant de fois qu'elle veut, en fait. Ah bah elle a trois. Oui, ça va lui coûter. Ça va être quoi? Ça va être de la persuasion, de la plutôt de la tromperie, hein, parce que clairement. Et donc elle a le droit à trois tromperies dans le tour, quoi. D'accord, Donc elle d'accord. va s'acharner jusqu'à ce que te faire tomber en vulnérabilité, quoi. Ok. Tout simplement. Mon avis, ça va pas être long, mais. Ah, tu veux. Enfin, si j'ai compris le principe, tu vois, l'attaque de la tour, ça va dépoter, hein. Il y aura Ah bah gain. ça peut être très rapide, hein. Ah oui, non, mais j'ai bien compris. Ah, grosso modo, c'est le premier qu'attaque qui Ah a non, vraiment un mais gros avantage. je suis tout à fait d'accord. J'ai pas fait l'ordre pour rien. Ouais. Donc du coup, je vérifie les attaques en tromperie. Pom pom pom. C'est vraiment un jeu où il faut tout connaître par cœur, Comme d'autres. quoi. Ouais. Après, il faut que ça apparaisse sur la feuille de perso pour gagner du temps, quoi. Ou une fiche d'aide de jeu. Ouais, on y viendra. Là, c'était. Tac, tac. Alors. Tac, tromperie, égrégore, même clair. Alors, putain, ça va me coûter cher par contre. Vu la salope que c'est, je vais lui mettre quand même du point. Il faut 15, 30. Natacha. Mais ça me fait mal hein, quand même de vous attaquer parce que ça me coûte quand même cher en point de. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, je me fais plaisir. Claire. En fait, l'idée c'est que. Bon, alors, tac. T'es les gardes, il n'y aura plus personne en fait. Ouais. C'est ça. Donc, je t'attaque en mémoire. Est-ce que tu. Comment. Est-ce que tu dis. Bah, je garde mon score brut de mémoire ou est-ce que tu tentes le lancer de dés? Le lancer Je peux pas dé. savoir si c'est Karak puisque ta Non, non, voyance non, est non, non, désactivée. non, non, non. C'est 3D6, hein, moyenne 11. Oui, je sais. Mais pour lancer les dés, il faut que j'ai l'argumente, Ouais, si tu veux. ouais, ouais. Non. Et bah si. Ouais, non, mais Non, c'est si en tu veux fait, le non, lancer tu une peux deuxième pas. fois. Tu peux Il faut que juste, tu en dés. fait, tu vas pas pouvoir lancer le dé, je vais dire exactement pourquoi. Oui. Parce que, en fait, grosso modo, si, pour lancer les dés, il faudrait que tu argumentes, comme tu le dis. Pour argumenter, il faudrait que tu te méfies d'elle. Pour te méfier d'elle, il faudrait que tu passes ta limitation. Pour passer ta limitation, il faudrait que tu claques un point Ça de marche, non mais ça marche clairvoyance. alors, pas de souci. Donc tu peux juste pas. Donc du coup, ça passe comme dans Bah du beurre en j'encaisse, fait. hein. J'ai 9 en mémoire, voilà. Ouais, donc je passe ta défense. Ouais. Et du coup, oh, c'est Bah infâme. oui. Tu ciblais quoi? Comment, t'as combien en. Il reste combien de points en clairvoyance? Alors C'est ça la cible. dépend. J'ai passé mon tour, donc j'ai gagné le bénéfice de mon repos ou c'est au début du tour suivant? Non, c'est bon, tu t'as gagné bénéfice de ton Bah donc repos. j'étais à 6-6 et donc je passe à 6-0. À 6-0. Voilà, Donc je que tu suis sois vulnérable. 6-1, t'aurais été à 6-0 aussi, hein, c'est pas grave. Exactement. Ouais, donc en fait, ton repos, il a servi à rien. Exactement. Du Si, si, coup. si, j'ai gagné 2 points en Dex. Ouais. Ok, Hop. donc du coup, tu gagnes une limitation supplémentaire qui est protéger Natacha. Ok. Donc j'ai deux limitations. Ouais. Ça marche. Allez, franchement, j'ai mal pour vous. Non, mais y a pas de souci, y a pas de souci. Ok, bah c'est bon, Natacha, elle s'est bon, bien occupée. Elle a fini son tour. Laurie, dis-moi, c'était à qui maintenant? À moi. Ok, je t'en prie. Donc je vais moi aussi me reposer un petit peu sur la clairvoyance. Donc c'est pour ça que je n'ai absolument pas protégé mon compagnon. Et du coup, je peux pas en dex puisqu'il faudrait que je mange. Bah ouais. C'est ça que tu me Ouais. dis. L'emprise, il faudrait que je fasse un truc tout pourri que j'ai vu de lire. Ouais, pécho une malédiction, ouais. Et Non, puis tu peux pas le faire tout en te reposant, quoi, hein, c'est l'un ou l'autre. subir une mutation, bon, Ah c'est oui, moyen. effectivement. Je pense que je vais raconter un flashback pour récupérer de la mémoire. Ok, ah bah super, bah écoute, on t'écoute. Je me vois dans une rivière, en train de me noyer, enfin, d'être pas loin de me noyer. Et il y a un mec qui me lance une corde pour me sortir de la rivière. En fait, c'est des rapides, quoi. Et je me traîne sur le bord de la rivière en crachant un peu mes poumons et je suis gelé parce que la rivière, elle doit être froide. Et je vois la tête du mec qui me sauve, et c'est le vieux. Avant qu'il me savate la tronche et que je me réveille beaucoup plus tard, dépiauté de tout mon matos. Ok. Alors maintenant, je me rends compte que c'est le flashback, c'est bien, mais ça peut être mieux d'une autre façon. Je pense qu'en fait, raconter un flashback, ça devrait aboutir à une imitation. Bon, c'est du test, hein. Ça se trouve, c'est vraiment dégueulasse ce que je fais, mais je te mettrais bien l'imitation, s'en prendre au vieux dans les situations de stress. Je mets ça en C'est-à-dire que si. quoi? En mémoire? En mémoire, quoi. C'est-à-dire que si t'es en situation, je sais pas, en situation de combat. Ouais, donc vengeance sur le vieux, quoi. Ouais, voilà. Et si tu veux, si t'es en situation de combat et que tu dis, bah non, c'est pas le moment de manger du vieux parce que ça craindrait trop, bah ça coûterait un point de mémoire, quoi. Ça marche. Parce que sinon, le flashback, j'ai le sentiment qu'il, finalement, il est pas tellement emmerdant par rapport à, t'as vu Julien, ce qu'il a mangé, enfin, récupérer de la Dex et de la Cla, ça a été compliqué, quoi. D'un autre côté, je m'en suis mangé beaucoup parce que j'ai un PNJ qui en a profité pour m'attaquer. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est vachement tentant, Ah, quoi, mais pour le MJ. absolument, c'est très très bien. Ok. Du coup, le tour est fini, je crois. Oui. J'ai un gros souci. Vas-y, dis-moi. Il y a un énorme orage qui est en train de péter et j'ai un peu peur. De laisser l'ordi allumé en fait. Est-ce que t'as même pas le temps pour un briefing en fait, un débriefing? Bah ça se trouve dans un quart d'heure il est parti quoi, c'est ça qui m'emmerde. Attendez, je vais regarder un peu par la fenêtre, je reviens. Écoute, jusque-là, c'est très intéressant ce test. Bah, je te remercie, Julien. J'ai un peu de mal à voir comment on va pouvoir s'en sortir, Moi aussi. mais t'as promis du hardcore, si j'ose dire, bah Ouais, voilà, ouais, c'est l'idée là qu'on peut on faire. le Voilà, sent, c'est ça. hein, on Ouais, le ouais, ouais. sent. Ouais. Il y a juste une question Dis-moi. que tes PNJ de départ soient à 15, c'est toi qui choisis à combien tu les mets ou c'est une valeur par défaut? C'est moi qui choisis à combien je les mets, mais c'est un conseil de la base, dans le sens où de dire c'est plus simple de mettre 15, après ça fait des PNJ balèzes, quoi. Mais c'est plus simple de mettre des multiples de 5. Et après, c'est aussi comment je le sens. C'est vrai que le vieux, comme Natacha, la façon dont je les ai décrits, pour moi, c'était des PNJ qui avaient dû répondre, quoi. Ok. Clairement, les mecs du poste de garde, bon, t'as pas cherché à savoir leur carac, mais ils sont pas à 15 partout. Hein. Ça marche. Une carac à 15, c'est quand même. Enfin, tu vois, toi, la carac max, tu peux avoir, c'est 13 à la création. Un PNJ qui est à 15 dans une carac, c'est quand même un bœuf, quoi. C'est la question que je me posais, c'était de savoir est-ce qu'on était vraiment très très fatigué ou est-ce que ils étaient vraiment balèzes. Après, c'est on joue en forget game balance. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de scrupules à vous mettre en face de vous des PNJ qui sont des grosses mules, Ah quoi. non, mais il n'y a pas de. Oui, non, mais j'explique aussi d'où ça vient, quoi. Y a un équilibrage par le fait des points d'adversité, mais l'équilibrage ne se fait pas au niveau des PNJ. Si moi je me sens de mettre en face de vous des PNJ qui sont des pures mules, bah, c'est pas le problème, je claque les points pour les créer, et puis voilà, quoi. Mais ça te coûte plus de points de leur mettre plus de carac. Évidemment. D'accord.